même s'il me glace et me condamne, cette fois j'irai tout droit au but. Je dirai ces mots pour ma décharge, pour que mon âme ne souffre plus. M'écouter, me parler, c'est tout ce que j'espérais. Je me suis tuée, attendue, mais ça ne marchait pas non plus.